jusqu'à quand je me demanderais si j'aurais dû vivre partagé entre un pays que je connais même plus et un monde qui me fait rêver. Le premier brille dans mes souvenirs, tandis que l'autre où je suis né possède tellement de visages que je tremble rien d'y penser. Maintenant que je me rends compte que j'ai du mal à me rappeler, j'envie les gens qui ont la chance de n'avoir qu'un seul passé.